Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, ce soir c'est moi aux commandes pour commenter et analyser l'Euro du lundi 12 mars 2018. Et je ne suis pas tout seul, évidemment, je suis avec l'ami Hank. Comment vas-tu, Hank? Salut, ça roule, pas la forme, mais voilà, ouais. On y est arrivé. Petite forme pour Hank, mais comme on dit, un petit row, ça dégage. Un petit rose, ça dégage, voilà. Donc, bah écoute, on commence tout de suite. Nous étions à Détroit dans le Michigan ce lundi. Alors, c'est un peu un road lendemain de pay-per-view, puisque dimanche soir, la veille, il y avait Fastlane. Alors, vous me direz, Fastlane, c'est un pay-per-view de SmackDown. Donc, a priori, ça devrait pas trop avoir de conséquences, mais on va voir que un petit peu quand même, hein. Donc, pour lancer le show, nous avons le general manager du show, Kurt Angle, qui arrive. Alors, pour ceux qui s'attendent à une avancée scénaristique dans sa rivalité avec Triple H et Stéphanie, bah, que dalle, hein, rien du tout. Ce soir, on n'en parle pas, on en dit deux mots. Bon, il fait une petite blague pour se moquer de Triple H et tout. Il vient surtout dire que ce soir, bah, Brock Lesnar, il sera pas là. Alors, tout le monde est un petit peu déçu, mais il nous dit qu'il va quand même y avoir un bon show, mais il n'a pas le temps de finir parce que Roman Reigns arrive. Et Roman Reigns, il est un peu furax, il est un peu énervé, il dit qu'il l'avait prévu, que Brock, il vient pas bosser. Alors, il demande ben, qu'est-ce qu'il va avoir comme punition. Il prend la foule à témoin. Il dit ben, les gars, qu'est-ce qui se passe si on va pas bosser, nous, vous tous, que vous soyez crémier, boulanger, postière, ou moi, si on vient pas bosser, on est viré. Sauf que Brock, et ouais, Brock, lui, il a pas de sanction. Pourquoi? Parce que Brock, c'est un Vince Boy. Alors, c'est Roman Reigns qui nous dit que Brock Lesnar est un petit protégé de Vince. Et en fait, Roman Reigns, pardon, on se rend compte qu'il est un peu jaloux parce qu'il dit moi, j'ai quand même donné tous les jours, je suis là, je bosse, je donne tout ce qu'il faut, je fais tout pour que Vince s'y mette bien, et puis bah, je suis pas respecté. Donc le problème, bah, c'est pas Kurt Angle qui est un petit jeton, hein, il n'est pas très sympa avec Kurt. Le problème, c'est Vince McMahon, donc il part chercher Vince McMahon. Et donc Roman Reigns quitte Kurt Angle, le laisse comme ça au milieu du ring, et il part dans les coulisses, et du coup, il arrive dans une espèce de bureau d'enregistrement, on sait pas trop ce que c'est, où il tombe sur Vince McMahon et, totalement improbable, sur Shane McMahon. Donc Shane McMahon, il est là aussi à Raw, il vient écouter ce qui se passe. Alors bon, Vince, il comprend que c'est un peu tendu. Du coup, il demande de lancer la pub et il va discuter pendant ce temps-là dans son bureau avec Roman Reigns. Donc, petite pub. Et quand la pub finit et quand on revient, c'est René Young qui est devant le bureau du boss, devant le bureau du patron. Roman sort le premier, il dit pas un mot, pas de commentaire. Vince sort ensuite, alors lui, bon, c'est le boss, alors il explique un peu ce qui se passe. Il dit que bah, il faut pas être comme ça jaloux de Brock Lesnar. Hein. Brock Lesnar, oui, il a des privilèges dans son contrat, mais après tout, c'est parce qu'il est le meilleur. Alors d'accord, il respecte peut-être pas les fans, il aime pas trop les gens, mais sur le ring, il est le meilleur, donc Respecte la bah, compétition. voilà, il respecte la compétition, il sera là à WrestleMania, il sera là la semaine prochaine quand même. On a réussi à trouver un compromis, il est là la semaine prochaine, il sera là à WrestleMania. Dès qu'il est quand il est champion, il défend, il se bat, il est le meilleur, donc bah, il mérite ses avantages. Sauf que Roman, il a poussé un peu loin, il a poussé un petit peu le bouchon un peu trop loin, Roman, donc du coup, il est temporairement suspendu. Et là, la foule est contente. Donc Je sais voilà pas ce si la premier. foule est contente. J'ai pas trop entendu la foule à ce moment-là, mais. Si, j'ai réécouté, ouais, il y a quand même une petite pop D'accord. bon, voilà, bon, une mini pop, mais en tout cas, sur tout ce segment, voilà, ça finit comme ça finit sur une tension entre Vince McMahon et Roman Reigns. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, hein? Est-ce que Roman Reigns a raison d'être un peu jaloux de Brock? Dans le cadre. C'est aussi une réflexion que j'ai entendue aussi. À chaque fois, j'écoute tellement de podcasts avant le nôtre que du coup j'entends des opinions, etc. Donc ça m'influence un peu. Mais comment? Enfin, je dis tellement, j'en écoute deux en fait. Mais tout ça pour dire dans le contexte de la rivalité, si on prend pas en compte tout le passé de Roman Reigns, quoi. Dans le contexte de la rivalité, ça marche super bien. Enfin, je veux dire, c'est totalement logique ce qu'il raconte. Moi j'ai plutôt bien aimé. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé que c'était pas assez bien fait. C'était le fait qu'il se fasse suspendre. Je trouve que ça vient de nulle part en fait. Enfin, il n'y a pas eu de, il n'a pas insulté Vince McMahon quoi au micro. Il a pas été vraiment il a pas eu vraiment de manque de respect, justement, Vince McMahon, dans son discours. Il dit, oui, en parlant de manque de respect, j'ai suspendu Roman Reigns. Roman Reigns, il a été super poli, quoi, au micro. Il a juste gueulé un petit peu. Et puis voilà, il a juste cherché un petit peu son patron, mais pas vraiment de manque de respect. Donc du coup, c'était le coup de la suspension. Bon, j'étais au courant avant de voir le segment. Donc, mais Excellent. même comme ça, je pense que quelqu'un qui voit le segment et qui entend à la fin la suspension, tu comprends pas trop ce qui s'est passé. Je veux dire, il a pas attaqué Vince, etc. Donc il manquait peut-être ce côté-là. Ouais, que ça monte un peu plus haut dans les insultes ou un truc comme ça, ouais. Est-ce que aujourd'hui ils ont pas envie de, je sais pas, ça aurait, je sais que Vince McMahon est capable de se sacrifier, genre prendre un peu des risques, des bumps pour, même à l'âge qu'il a, pour un petit peu, bah c'est ce qu'il a fait avec Kevin Owens par exemple, quand il a pris le bump pour, je sais plus, il s'est pris un gros pain dans la gueule, etc. Donc il aurait pu Coup de faire poule là, ça, ouais. je pense qu'il aurait dû faire ça même pour Roman Reigns. C'est-à-dire que Roman Reigns vienne en coulisses et que Vince lui dise, même pas qu'il lui dise on va dans mon bureau, et il fait non mais on en parlera plus tard, là t'as un match ou un truc comme ça, etc. Genre le renvoyer chier, et là Reigns il prend par le collet et tout, et puis je sais pas, il le balance dans une table ou une connerie du genre. Ça, tout le monde crierait à la parodie de Steve Austin, mais n'empêche que ça fonctionnerait un peu mieux s'il y avait ce côté-là chez Reigns où là il cherche vraiment la merde à son boss. Là j'ai trouvé que c'était un peu trop gentillet en fait. C'est le mec qui gueule, tu vois, genre il commence à être un peu hargneux, et puis finalement il arrive voir Vince, et puis Vince il lui dit viens on va dans mon bureau, et puis il suit tout tranquillement dans son bureau, et puis après il sort du bureau et puis il est tout penaud, et puis après on dit ah bah je l'ai puni, donc c'est pas très viril comme fin Ouais, de segment quoi. c'est pas très badass. Après, Ouais. ils sont toujours à avoir du mal, je trouve, à positionner Reigns, parce que s'ils faisaient ce que tu viens de dire, Vince McMahon étant tellement quand même populaire, ça serait catastrophique pour Roman Reigns, quoi. Il se ferait huer encore plus s'il tape le patron, je pense. Non, je pense pas. Non, non, non, parce que Vince, non, c'est pas ça le truc. Il y a des gens à la WWE qui sont populaires, mais qu'on aime voir se faire massacrer. Vince McMahon, Stephanie McMahon, etc. Stephanie, on a beau chier dessus, etc. Il y a des moments où on adore quand elle peut recaser quelqu'un, etc. Il y a des moments où elle le fait et c'est dégueulasse. Enfin, on trouve ça dégueulasse. Et il y a des moments où elle le fait où c'est excellent. Mais ça fait partie de ses personnages. Tout le monde s'en fout que Vince McMahon se fasse massacrer. Kevin Owens, il a pas de la hit quand il frappe Vince McMahon. Tout le monde Bon, aime ouais, tout, c'est tout. un heel quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde aime toujours le personnage de Kevin Owens, Ouais. malgré le fait qu'il soit un heel. Bien sûr, tu vas bouer un heel, mais comment tu respectes toujours le catcheur. Pour Roman Reigns, là, clairement, c'est Vince McMahon le heel. C'est Vince McMahon qui protège Brock Lesnar, qui dit, là à la fin du segment c'est pareil, et il dit Roman Reigns ferait mieux d'écouter son cousin The Rock Ouais, qui lui dit avait connaît appris quelque chose, c'est connais Know ton your rôle, role, ouais, connais c'est ton ça. rôle et ferme ta gueule quoi. C'est ça. Donc clairement. Il y a François sur le chat qui dit c'est chaud s'il frappe Vince quand même. Je parle pas de frapper vraiment, mais tu vois, juste au moins le prendre par le collet et le Après, relâcher. Tu vois, genre ouais. le menacer vraiment physiquement. Là, il y aurait suspension totalement justifiée, tu vois. Là, Mais il n'y du a coup, rien eu, quoi. Il y a eu juste, genre, je suis pas content. Ah oui, t'es pas content, bon, t'es suspendu. C'est pas, c'est, ça, moi, ça me manquait un peu de, voilà, ça manquait un peu de caractère. Après, l'histoire me va très bien. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'espère, justement, je l'ai dit il y a 2 semaines et j'avais peur que cette semaine, justement, Lesnar apparaisse. Et depuis 2 semaines, je dis, Lesnar, il doit pas être là jusqu'à Mania. Il doit apparaître juste à Mania. Et que et bah, qui du coup. est et qui est ce suspense, est-ce que Lesnar sera là, etc. Mais voilà que ou alors que on nous sorte peut-être la dernière semaine avant Mania, Lesnar par vidéo, tu vois. Là, il est annoncé pour la semaine prochaine, hein, Oui, non, mais il est annoncé pour la semaine prochaine, mais bien sûr, c'est toute la mécanique là, ils vont je pense qu'il est annoncé pour la semaine prochaine et là, j'espère du moins la semaine prochaine, pas là. Et là, la semaine d'après, ça sera vidéo interposée ou une connerie du genre. Ah ouais, tu le vois comme ça. Moi, je le vois plutôt. Je pense que la suspension, effectivement, est un peu Et exagérée, mais. la semaine prochaine, je pense que Paul Heyman va se faire défoncer. Paul Heyman sera là et il va se faire démonter par Roman Reigns. Je Ouais, pense moi. que c'est comme ça qu'ils vont le vendre parce qu'ils savent que ça a marché avec Samoa Joe. Et je pense que c'est la route la plus évidente. Je dis salut à tout le monde dans le chat qui arrive, Maxence, Jojo, tout ça. Oui, bonjour, bonjour. Ouais, je sais pas. Moi, je pense. Oui, je pense qu'il va y avoir Roman Reigns qui va venir et qui va outrepasser sa suspension, mais bon, ça va monter d'un cran dans la nervosité. Bien, bon, on va continuer un petit peu le show, hein, puisque Roman Reigns il est suspendu, donc il est parti, il est rentré chez lui un peu plus tôt, au moins il est plutôt à la douche. Et on va passer à la suite du show, c'est-à-dire on va passer aux filles. Alors il y a plusieurs segments féminins ce soir, on va commencer par le premier dans la chronologie. L'Absolution est là sur le ring parce que Sonya Deville affronte Sasha Banks. Et Sasha Banks, elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée de Bayley, mais Bayley, elle la suit un Boudeuse peu. baby. Elle est boudeuse, elle est en pleine dépression, on dirait. Il n'y a même pas sa musique d'entrée. Elle vient, disons, défendre la justice du match. C'est-à-dire que donc il y a match Sonya Deville contre Sasha Banks. Sonya Deville domine pas mal au début, une bonne partie du match. Elle est assez violente. Elle soulève Sacha, elle la jette dans divers coins, elle lui donne des kicks, elle la travaille au sol. C'est un match assez court, mais Sacha voit pas trop le jour pour le début. Au moment où elle reprend l'avantage, il y a Mandy Rose qui essaye d'intervenir, de monter sur le ring. Donc là, Bayley, elle joue son rôle, elle lui prend les pieds, elle la fait tomber, elle la neutralise. Et ça permet à Banks de placer son backstatement Et voilà. et ça permet à Sacha de gagner. Et Bailey, elle connaît son rôle. Bayley, voilà. Bayley, elle connaît son rôle, sauf que pour elle, Bayley, voilà, la victoire, elle a fait gagner sa copine, elle a respecté, elle a permis l'équité de se faire, elle s'en va. Par contre, elle regarde pas du tout en arrière et donc elle ne verra pas, ou alors elle voit et elle fait exprès de ne rien faire, on ne saura pas. Mais en tout cas, elle n'intervient pas du tout quand l'Absolution au grand complet passe Sasha Banks à Je tabac. pense qu'elle On est continue. déjà, ouais, je pense qu'elle était déjà dans les coulisses, mais de toute façon, enfin, bah, à partir de ce moment-là, elle est plus dans le segment, quoi. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est mal ce qu'elle a fait, Bailey, ou c'est trop bien, ou elle aurait dû même pas venir aider Sacha? Qu'est-ce que tu en penses de cette amitié qui se déchire? Moi, j'en pense que là, ce Raw, ce soir. Enfin, je dis ce soir, comme si on était le soir de Raw, mais c'est un Raw où ils ont vraiment genre passé la vitesse sur toutes les rivalités, sauf celle-là. Sauf celle-là. Celle-là, c'est juste, c'est mou. Alors maintenant, c'est Bailey qui est la méchante, mais en même temps, elle boude, donc c'est pas vraiment une méchante, elle fait pas exprès. Mais Sasha Banks qui se fait massacrer par trois personnes, donc du coup, c'est une babyface, Sasha Banks. Tout ça est mou du genou. J'imagine qu'à Mania, personne ne sera face, personne ne sera heel, hein, vu comme c'est parti, ça va être Personne ne saura quoi. les nuances de Grey, hein. Les points sur la carte. Bailey et Sasha Banks, les nuances de Grey. Donc voilà. Moi, ça m'emmerde, hein. Il y a tellement quelque chose de facile à faire entre les deux. C'est tellement facile, bordel. C'est juste, il fallait que Sasha Banks soit heel. C'est pas. Arrêtez de prendre 50 chemins différents, d'essayer de faire que. Pendant un temps, c'est Sasha Banks qui était méchante. Maintenant, c'est Bayley qui doit se reprocher des choses. On sait plus qui a le plus de. Tu sais, dans la balance, qui a fait le plus de mauvaises actions et tout ça. Qui a le plus aidé C'est l'autre, oui. tellement prise de tête. Le Et c'est catch, très c'est long pas. surtout. Mais ouais, et le catch, c'est pas ça. C'est pas une prise de tête de 10 semaines sur qui est gentil, qui est méchant. C'est chiant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est surtout que ça nous. Ça, tout ça tourne autour de matchs aussi qui n'ont aucun enjeu. Donc c'est pas des. Ça, c'est plus des compétitrices. Là, elle devrait nous parler de ceinture à gagner ou je sais quoi. Surtout que. Bah, on en reparlera, Après, mais le surtout match qu'il y a. était bon, hein, le match Oui, avant. Le le match match est entre bon, Banks mais. et Sonya Deville. Ma petite chouchou, hein, ringside. Riptide se fout de ma gueule à chaque fois. J'aime beaucoup Johnny et Devil. Mais ouais, donc voilà. Et j'ai entendu aussi, enfin j'ai vu relever sur internet que au commentaire il disait c'est un beatdown à 3. Et en fait non, c'était pas un beatdown à 3 parce que Paige elle a même pas le droit de donner des coups Ah bah non, là, Paige de pied. elle gueule des consignes et puis elle Voilà. soulève les mains C'est de ses copines. attaquez là. Et puis elle s'amuse souvent, ça fait plusieurs semaines, elle trash talk aussi les gens à côté dans la fosse là qui la regardent. Je sais pas ce qu'elle leur dit, mais. Ouais, bah, il faut bien qu'elle s'occupe, hein. Écoute. Ouais. Bon bah écoute, on va continuer un petit peu Ouais. cette soirée. Alors, petit segment où on nous apprend qu'il y a un nouvel, enfin, intronisé au Hall of Fame. Je crois qu'on nous l'apprend. Hein, c'est Kid Rock, donc c'est un chanteur qui est C'est un surtout, chanteur, oui. c'est un chanteur, bah, qui est surtout connu pour avoir chanté et interprété le theme song de l'Undertaker quand il était en époque biker, l'American Badass. Donc on verra si c'est un indice pour quelque chose. Sans plus attendre et direct retour plateau, nous sommes à Miss TV. Ce soir, Miss pardon, accueille Seth Rollins et Finn Balor, donc c'est ses deux prochains adversaires pour le titre intercontinental à WrestleMania. Donc c'est une belle affiche. Le Miz, il est là, donc il est entouré des deux superstars, et il va essayer de faire du Miz touché, c'est-à-dire il va essayer de les monter l'un contre l'autre en espérant être celui qui prend le moins de coups possible. Donc d'abord, il commence à flatter Seth Rollins, hein, qui est à sa gauche. Il lui dit Seth, voilà, tout ça, t'es le meilleur. Ça te fait pas un peu chier que Baylor il intervienne dans cette histoire alors qu'il a rien à voir. Bon, Rollins, il mord pas à l'hameçon. Il lui dit oh, écoute, on voit bien ce que tu essayes de nous faire. Hein, on n'est pas si con que ça. Du coup, le Miz, bah, il essaye, voir si l'autre est un petit peu plus con quand même. Il dit à Baylor, mais toi, Finn, t'as battu Seth Rollins. Déjà pour le titre universel il y a 2 ans, t'en as pas marre de devoir re-le battre à nouveau. Donc bah, Finn pareil, hein, il dit moi je suis pas plus con que Finn Balor, hein, que Seth Rollins. On va tous se battre à part égale. Donc le Miz, il rappelle que c'est lui qui porte le titre universel qui l'a rendu célèbre, hein, donc les deux devraient plutôt le remercier. Et Rollins, il stoppe un peu tout ça, il stoppe un peu le Miz qui tire la couverture à soi, il lui dit écoute ta gueule, en gros, hein. Et il lui dit là tu veux nous énerver, nous exciter, mais ça sert à rien de nous faire ça. Tu nous parles d'un match pour le titre intercontinental à WrestleMania, ça suffit. Et ben en fait, sans que le Miz ait besoin de rien faire, le feu monte un petit peu. La phrase de Rollins, en fait, dans mes oreilles, c'était mais Miz, tu veux faire une storyline, mais on s'en fout, il y a juste un titre. Pourquoi on aurait une personnalité, hein? Ouais. On n'a pas besoin de raison de se battre ensemble, juste le titre, hein, et puis voilà. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai. Mais au final, ça marche puisque bon, bah, le problème c'est que tous les catcheurs du monde entier, quand ils ont un match pour un titre, hein, ils disent la même chose. Donc Seth, il dit, ouais, je vais gagner le titre intercontinental à WrestleMania. Ça me plaît bien cette histoire. Et bah alors, tu as pas gagné. Alors Finn, il dit, bah ouais, oh, bah si quand même. C'est moi qui vais gagner. C'est vous qui allez perdre. Et ils commencent tous les deux à se monter l'un contre l'autre. Alors le Miz, il jubile, hein, il se frotte les mains, il a réussi. Sauf que les deux se rappellent de sa présence. Ouais. Il le tabasse. Et puis ensuite, c'est Rollins qui va taper Finn Balor avant de partir. Sachant que juste avant, ils ont quand même décidé, Balor et Rollins, de se mettre sur la gueule ce soir. Un Ouais. petit 1 contre 1 avant le Triple Threat de WrestleMania. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur cette interaction? On va passer au match après dans la foulée, même s'il était plus tard. C'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire que le Miz est le mec qui essaie à fond. En fait, c'est presque la storyline du truc, c'est que le Miz veut qu'il y ait une storyline dans cette histoire, et les deux autres n'en ont rien à foutre. Les deux autres, genre, vous pourriez avoir genre au moins trois ou quatre raisons de vous en vouloir l'un l'autre. En remontant à des trucs bah, qui sont légitimes, quoi. L'histoire de la blessure de Finn Balor, l'histoire On de ressort un peu le Rollins qui chip, perd, le tout ça. Rollins qui perd à son retour, tu vois. Enfin, C'était très peu de temps après son retour, je crois, Rollins. Donc voilà, y a plein de choses à exploiter. Et les mecs dans la promo, ils disent, ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir des rancœurs comme ça, et puis ça rendrait la rivalité intéressante. Mais en fait, non. Nous, on est juste des babyface plats, quoi. Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire, j'adore la compétition, pourquoi on ferait pas un match? Ils ont Du coup, l'esprit sportif. ouais, mais non, mais j'en ai marre de ça, le respect, l'esprit sportif, y en a marre. Bobby Roode qui suce la bite de Randy Orton, y en a marre. Enfin. Non, mais Non, mais oui. je suis désolé, je suis un peu cru. Ce podcast est interdit aux moins de 18 ans, c'est trop tard pour le dire. Mais Oui, c'est ça. On va... non, mais y en C'est a peut-être enfant marre. qui est exceptionnel. Il y en a marre du manque du manque de charisme de ces storylines où tout le monde se respecte, où tout le monde est là pour la compétition. Si j'ai envie de regarder de la compétition pleine de respect, je regarde du vrai sport. Je regarde du sport qui est pas scénarisé, tu vois. Je Oh, et regarde. encore le Et respect des encore, il y fois. a plus de storylines des moments. Ben c'est un fil difficile parce que des fois aussi, tu as des rivalités où les mecs s'affrontent pour des ceintures, mais où tu as l'impression, où c'est l'inverse, il y a trop de storyline et tu as l'impression que la ceinture au milieu, ils s'en foutent. Et là, c'est bon. Après, c'est sûr que l'histoire, ouais, Non mais c'est une rivalité qui, je le l'ai Miz déjà dit. porte le truc, Je l'ai déjà dit à mais. Ringside, le match va être excellent. Le match va être excellent à Mania. C'est juste qu'on moi c'est le plus gros souci je pense de la WWE en ce moment, ils ont un ras-bord de catcheurs excellents, un ras-bord. Le problème c'est que on est dans des rivalités qui sont à chaque fois mal écrites ou assez chiantes. Pas genre cohérente mais chiante, et donc du coup on est comme ça, on rame, et puis ce qui nous tient jusqu'à la prochaine rivalité, bah c'est les matchs à Raw, parce que les matchs à Raw ils sont bons, et même à SmackDown tu peux trouver des bons matchs quand même assez régulièrement, mais en main event on va dire, mais donc c'est ce qui nous tient, et à chaque fois, c'est au pay-per-view que finalement on a presque l'envie que la storyline se passe que au pay-per-view, parce que c'est au pay-per-view que les mecs ils bossent sur. L'histoire est racontée dans le ring, et là c'est intéressant, et là il n'y a plus de. Y a plus toute cette. Comment? Toute cette mauvaise écriture. Enfin, on Ouais. oublie finalement, on arrive à la fin de la rivalité, c'est presque si on a oublié l'histoire et on se contente de ce qu'il y a dans le ring, et ce qu'il y a dans le ring est excellent. Et donc du Ouais. coup, Bah c'est... là, c'est les personnages. Rollins s'en sort un petit peu mieux ces temps-ci. Là, Ouais. il retrouve un certain accent. Bah alors, c'est vrai que la plupart du temps, à chaque fois que le Miz prononçait son nom, il est toujours avec son sourire là, Mais un peu niais. pourquoi il est pas plus arrogant, Balor? Balor, il est censé avoir son club. Alors maintenant, c'est Ouais. fini, le club, ça a duré 2 semaines. Maintenant, ils sont plus avec lui. J'imagine qu'ils vont le ressortir du tiroir dès qu'ils en auront besoin, mais ça c'est vraiment un souci. C'est-à-dire que les mecs ils lancent des trucs, c'est comme Nia Jax qui passait babyface il y a 1 an, et puis finalement ils ont abandonné au bout de 2 mois, et puis là on va voir que c'est reparti. C'est juste les mecs ils Bon, finissent pas, voilà. on va y en venir Oui justement sur tout parce que ça. sinon je vais passer 20 minutes là-dessus. Mais c'est Vas-y. vrai, mais tu as raison, mais comme tu disais, effectivement, ce qui est excellent, c'est les matchs, donc je ne vais pas décrire très longtemps, hein, mais donc il y a eu Rollins contre Finn Balor, un peu plus tard dans la soirée, mais on va en parler de suite. Bah c'est en gros, c'est quasiment le seul match de ce Raw, hein, le seul vrai Ouais. match, on va dire. Seth Rollins, il est très motivé, il est sur une bonne lancée. Bon, c'est vrai qu'il a eu son Iron Man, mais on sent qu'il est il est sur une bonne période catchesque, hein, il est content d'être revenu en solo, je pense. Finn, lui, bon, il est toujours très, au moins affûté physiquement, et c'est un match hyper équilibré. C'est impressionnant, ils se rendent de coup pour coup. Il y a quasiment personne qui ne domine plus de, il y a personne qui passe quasiment plus de 3 coups d'affilée. Il y a beaucoup beaucoup de contres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, notamment Rollins qui essaye son Kingslayer, là, son genou qui a été son finisher 2 mois, c'est Ouais. contré. Il y a Finn qui tente son Sling Blade, là où je sais plus trop ce qu'il veut faire, c'est contré aussi. Bref, personne n'arrive trop à enchaîner, jusqu'à ce que Balor essaye de se mettre sur la troisième corde pour faire son fameux coup de grâce, coup de grâce. Il est contré par Sev qui arrive à se précipiter, qui lui fait une souplesse depuis la troisième corde. Il n'en reste pas là, il rattrape Balor pour lui porter. Le Alors soit il Falcon, continue, je sais ouais, c'est ça, le plus, Falcon Arrow, en gros. mais il n'y arrive pas, il est contré, et il est contré dans un petit paquet. Donc 1, 2, 3, Finn Balor gagne ce match. Mais gagne ce match donc sans avoir montré vraiment qu'il était le plus fort, mais ça s'est un peu joué. Enfin, pour moi, c'était ça qui ressort niveau histoire racontée, c'était que les deux se valent et se connaissent, et donc il a fallu une petite. C'est une faute d'inattention en fait. Alors, je sais pas ce que tu en tires comme conclusion, si ça te va cette victoire. Le petit paquet. Ah, C'est et si mon vieux petit paquet. facile. Non mais dans le cadre de ce match-là, c'est comme tu disais, en fait, c'est valable dans le sens où du coup ça offre une victoire, une demi-victoire pour Balor, quoi, qui est un peu bon. J'ai eu le réflexe à tel moment de bloquer, puis voilà, ça fait le tomber. Il y a pas de supériorité physique entre les deux. Donc oui, non, c'est le booking, il est très bon là-dessus. Et puis pour une fois, on a une entre guillemets preview. Enfin, c'est pas une preview du match parce qu'il y aura le Miz, mais on a un match, voilà, match un peu preview qui a de l'intérêt, quoi. Ça a de l'intérêt pour montrer justement que les deux sont au même niveau. Et après, donc ouais, faudra voir comment ça se passe pendant le match, ce que fait le Miz. Il va pas, entre guillemets, profiter des deux. C'est le seul truc, c'est que du coup, je vois tellement les mecs au même rang, entre guillemets, enfin maintenant bookés par la WWE comme étant au même rang, que Ouais. finalement le résultat le plus évident du match à Mania, c'est que le Miz conserve, quoi. Moi, je suis plutôt sur cette optique, mais bon, on verra bien ce qui se passe. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Et bon, bah, pour le titre intercontinental, on a notre affiche à Mania, mais il y en a qui sont encore à attendre, et notamment les équipes. Donc, Sheamus et Cesaro, qui sont les champions tag team de Raw, ils cherchent des adversaires et ils n'arrêtent pas de lancer des open challenge sur Twitter. Donc, ça, c'est de la Twitter feud. Et ce soir, c'est le Miz Tourage qui relève le défi. Donc, a priori, Sheamus et Cesaro sont censés affronter le Miz Tourage, Ouais. Curtis Axel et Bo Bo Dallas. Dallas. Mais le match ne commence jamais, c'est-à-dire qu'il se tape sur la gueule. Donc c'est d'abord le Miz Tourage qui attaque Sheamus et Cesaro pendant qu'ils sont en train de faire les beaux dans le coin sur leur musique d'entrée. Et ça commencera jamais, ils vont pas arrêter de se mettre sur la gueule. Ils vont être rejoints par The Revival, puis Gallows et Anderson aussi. Bref, tout le monde vient se mettre sur la gueule. Les champions essayent de faire une retraite méthodique, mais ils sont bloqués par Titus Worldwide et aussi Slater and Rhino qui les empêchent. Et on renvoie Sheamus et Cesaro au milieu du ring et on les tabasse. Donc c'est toute la division tag team de Raw qui nous montre d'ailleurs une certaine faiblesse hein, quand on voit qui est là, qui s'amuse à tabasser Sheamus et Cesaro. Alors les deux, ils réussissent à fuir quand même. Et un peu plus tard dans la soirée, ils sont très énervés. Ça peut être compréhensible, hein. Ils vont voir Kurt Angle. Ils n'ont pas aimé être passés à Ah, tabac. j'ai Ils ont adoré ce segment. été très énervés. Et du coup, Sheamus, il se dit, cru entendre qu'il y aurait un petit Superstar Shake-up après WrestleMania. Mais nous, on a bien envie de partir à SmackDown maintenant. Alors, il cite, et c'est vrai que quand il les cite, on se rend compte que la scène tag team de SmackDown est plus impressionnante, hein, puisqu'ils disent, on veut bien aller montrer aux Bludgeon Brothers qu'on est une vraie adversaire. Ils ont tellement raison. Ils ont tellement On raison. peut aller affronter le New Day, on leur a brisé leur règne, on peut aller leur faire bouffer leurs pancakes, on peut aller briser le pénitencier des Uso. Ils citent même Breezango, bref, tout le monde. Ils n'ont plus envie d'être à Raw avec les losers. Du coup, Kurt Angle, il essaye de les apaiser, il leur dit, ok, ce soir, on va trouver votre adversaire à WrestleMania, on va faire une bataille royale de tag team. Du coup, Sheamus et Cesaro, ça les calme un petit peu. Et on aura ça en main event, donc on va laisser ça pour la fin de notre analyse. Mais ça t'a bien plu, ce petit segment de Sheamus et Cesaro. Qu'est-ce que tu as pensé de cette révolution des tag teams qui tabassent leurs champions? C'est ouais, c'est j'ai trouvé alors autant bon le les tag teams qui tabassent les champions, c'est un petit peu l'enterrement des tag teams en même temps. C'est un petit peu genre bon bah ok bah vous êtes tous pas au niveau donc du coup vous allez tous attaquer. C'est pour ça que finalement j'espère que du coup Sheamus Cesaro parte vraiment à SmackDown après Mania parce que du coup sinon ce serait pas logique quoi qu'il soit toujours là et puis que finalement à moins que J'espère que ça va redistribuer un peu les cartes, à qu'il moins va y avoir qu'il y ait, je sais soit de la pas, une montée. montée de que Authors of Pain leur foutent une super marave Ouais, ou moi je vois bien les. Je pense que les Blue John Brothers, je les vois bien passer à Raw à un moment donné aussi, parce que. Enfin, on verra. De toute Ouais. façon, ça peut partir dans tous les sens. Les Usos peuvent revenir à Raw aussi, mais oui, c'est vrai que là, ils paraissaient bien, bien tout seuls, hein, les. Ouais. Le bar. Et moi, ils m'ont fait rêver dans le segment quand les mecs ils font ouais, mais on pourrait aller à SmackDown, il y a des vrais tag teams là-bas, pour affronter les New Day. Ils ont rappelé ils ont arrêté, enfin, c'est eux qui ont Brisé, terminé le règne des New Day, le règne interminable des New Day. Enfin, je suis plus Recordman. Et donc voilà. Les Ouzo aussi, enfin bref, et c'est des matchs que moi j'ai envie de voir. Hein. C'est des matchs ah que j'ai bah envie oui, de voir. Hein. Putain, bah mais plus Sheamus que Cesaro contre New Day, Sheamus Cesaro contre. Enfin, on contre. a dû déjà le voir, Sheamus Cesaro contre New Day. Non, c'était Sheamus, oui, Sheamus et Cesaro contre le New Day, oui, on l'a déjà vu, bien sûr, puisqu'ils ont brisé le règne. Mais contre les Ouzo, je me souviens pas. Les Usos, si, c'était le match de, Ah oui, c'était le non, tu match parles de champion dans contre Pay-Per-View, champion. ouais. Ouais, c'était le match des Survivor Series, je crois. Ah, je voulais dire dans le même ouais dans le même roster Ah, ils non, ont non je pense pas. donc voilà il y a plein de matchs comme ça qui là quand ils les ont cités ça m'a donné envie mais ouais on va voir plus tard que On verra ce que ça il y a autre donne. chose qui les attend. Bon, il y a autre chose qui nous attend aussi. Il y a du très très lourd. Il y a du très très lourd. Peut-être le point culminant de cette soirée, hein, puisque John Cena arrive. John Cena. John Cena, eh ben, il fait partie de ceux qui ont eu des conséquences puisque, à Fastlane, puisque la veille, eh ben, il était à Fastlane. Il était dans le Six-Pack Challenge pour le titre WWE, mais il n'a pas gagné. Donc bah, comme la porte est fermée à SmackDown, il revient à Raw, hein, il profite à fond de son privilège lui aussi. Lui fait autant Lesnar, il a le privilège de jamais venir, autant Cena, il a le privilège d'aller partout. Ouais. Donc il vient nous dire, il est un peu emmerdé, il nous dit bah, j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais à Elimination Chamber, j'étais à Fastlane, j'ai fait le maximum, bah, j'ai pas réussi à trouver d'ouverture. Donc bah, cette année à WrestleMania, moi je serai pas là, enfin je serai pas là, je serai là, mais je serai pas sur le ring, je serai dans la fosse. Je vais acheter un ticket. Bon, a priori, c'est possible de trouver un ticket dans la fosse à 30 jours de WrestleMania. Écoute, il doit avoir ses raisons. Je vais acheter un ticket, je vais dans la fosse. Alors, il y va. Il va voir un mec qui a un verre de bière. Il dit, allez, je me mettrai à côté de toi. On va aller voir les matchs. Il boit un petit peu de bière. Il lance des chants. This is awesome, tout ça. Alors, il finit à essayer de lancer un Let's petit Let's go, Roman! go, Roman. Bon, la foule, C'est non, dommage, ne la suit foule pas. aurait pu répondre Roman sucks. Mais. Ça aurait été drôle. Mais justement, à propos de ça, il revient sur le ring. Cena, il dit parce que bon, parmi tous ces chants, il y en a un qui sera pas là à WrestleMania. Du coup, il n'y aura pas de Let's Go Cena. Et la foule répond des Cena Sucks. Donc, il fait un peu monter le Let's Go Cena Sucks. Et bon, ben voilà, John Cena nous annonce quand même qu'il va pas être à WrestleMania. Puis tout Sniff. d'un coup, il a l'air d'avoir une illumination divine. Il dit ben attendez, j'ai pas de road prévu pour WrestleMania. Donc, du coup, bah. Rien de pire peut m'arriver. Hein. Personne peut me dire ah ben on t'a annulé ton match. Hein. Je peux pas être bloqué. Donc du coup bah je fais ce que je veux. Allez, Inch'Allah, on tente. On verra bien ce que ça donne. Je défie Undertaker pour un match à WrestleMania. Alors la foule évidemment explose de joie. D'ailleurs ils avaient un peu Ouais. appelé l'Undertaker plus tôt. Ça avait un peu gâché le suspense. Mais du coup Cena il en remet une couche. Alors il sait j'ai déjà lancé le challenge, mais je défie l'Undertaker à WrestleMania pour un match. En fait, il relance parce que c'est ce que j'avais. Je l'ai regardé enfin, je l'ai rembobiné un peu ce passage parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que il veut tester si on lui coupe son micro. Donc c'est pour ça qu'il répète. Au début, je me suis dit, mais pourquoi il répète trois fois, genre, enfin, c'est un peu too much, quoi. Mais en fait, non, c'est pour tester si on lui coupe son micro. Voilà, c'est exactement ça, puisqu'en fait, il est en train de dire qu'on lui a dit que John Cena contre l'Undertaker à WrestleMania, c'était pas possible. Mais visiblement, du coup, si on lui coupe pas le micro, s'il n'est pas suspendu, si personne vient l'envoyer en coulisses, hein, c'est que c'est pas Vince McMahon, c'est pas les officiels qui veulent pas de ce match. C'est pas le public qui veut pas de ce match, donc forcément, celui qui veut pas, c'est l'Undertaker. Mais du coup, John, c'est un vieux professionnel, hein. Il sait ce qu'il faut faire pour titiller une superstar, donc il va essayer d'énerver l'Undertaker à distance. Il lui dit: Undertaker, t'es qu'un enfoiré d'égomaniaque qui supporte pas, tu veux pas prendre le risque de perdre. En gros, toi, quand tu perds, tu pars te cacher, on te revoit plus. Alors que moi, quand je perds, je reviens le lendemain, je souris et je regagne. Hein. Ouais, Bon, ce qui est pas hop. vraiment le cas. Enfin, Pas il y a des toujours. moments où il s'en va aussi. Il s'en va quand il perd contre Roman Reigns, mais bon, tout le monde fait ça. Et donc, John Cena, il en rajoute une couche. Il dit: Undertaker, là, tu veux pas, t'as peur, t'es un trouillard, c'est ton ego, t'as pas d'excuse, t'es pas trop vieux. Voilà, a Ouais. priori, il est pas trop vieux, l'Undertaker. Il dit t'es pas trop vieux parce que sinon tu posterais pas des vidéos de tes workouts sur l'Instagram de ta femme. Ouais. Oh, alors là, la foule, quand même, hein, est Oh, un peu choquée. burn! Ben ouais, parce que là, l'Undertaker qui a une femme, bon, on savait plus ou moins, mais ça n'avait jamais été trop dit. Hein. L'Undertaker, normalement, il a un chapeau, des mitaines noires, il sort de la terre C'est et. pour ça que j'ai appelé la vidéo de ce soir Cena vs Kayfabe WrestleMania. C'est un peu ça. En tout cas, il lui envoie du lourd dans les dents. Hein. Le but, c'était de provoquer. Donc là, c'est bien provoqué. Et il finit par dire, bah, écoutez, il prend le public à témoin et il dit: L'Undertaker. Je pense que tout le monde veut me voir subir ton tombstone, tout le monde veut me voir être défoncé par toi. Donc voilà, maintenant la balle est dans ton camp, Deadman. J'espère que tu es encore vivant. Et il s'en va là-dessus. Alors, John Cena, il s'en va en étant vraiment très content de lui. Hein. C'est peut-être le reproche principal que j'ai à lui faire. Toute la promo, il était vraiment très très satisfait de. Ça se voyait qu'il était fier de ce qu'il disait. Et il est content, mais il a quand même. Là, pour le coup, c'est plus du fantasy booking. Hein. C'est vraiment de la provoque. C'était officiel. C'était les yeux devant la caméra. L'Undertaker a lancé son défi. Pardon. John Cena a lancé son défi à l'Undertaker. Donc, dream match ou cauchemar. Qu'en penses-tu, Est-ce Hank? que t'as parlé du passage où il va dans le public et il boit un coup de bière un fan? Tu ne m'as pas écouté. Non mais il était excellent ce segment. C'est fou comme quand on met pas Cena dans un truc de merde là comme avec Goldust ou je sais pas pourquoi c'est pas pourquoi ils nous ont emmerdé avec Goldust la semaine dernière. C'était sûrement pour juste qu'il y ait John Cena dans l'émission. Ouais, j'avais déjà oublié. Mais non mais c'était terrible. Heureusement, mais justement la WWE compte là-dessus hein, sur le fait qu'on oublie on oublie les pires choses qui peuvent se passer. De Gola, là il a le droit, voilà, il a enfin le droit de lancer la rivalité, donc voilà, non mais il était très drôle. Après c'est du pur John Cena cabotinage à donf. Il y a des gens qui supportent pas, moi ça me fait rire, hein. Mais il y a des gens qui supportent pas parce que oui, tu sais que le mec qui est comment égocentrique à donf, c'est John Cena, hein. Tu le vois, genre le mec il passe son temps à se nourrir du public, à jouer Ouais. avec eux, à voilà, mais il le fait tellement bien, et puis surtout c'est un monstre. Enfin, quand il est libre comme ça, tu sens que là, il y avait rien sur le papier. Hein. Il fait tout comme il veut. Quand il est libre comme ça, Cena, du moins dans cette période-là, depuis, je dirais, 2-3 ans, c'est. Enfin, il y a que lui qui est à ce niveau-là au micro, quoi. Ouais. Il est naturel à mort. Il n'y a pas un mot qui flanche ou quoi que ce soit. Toutes les phrases sont. Bref, la promo est excellente. Oui. J'ai trouvé peut-être l'attaque au Taker était un petit peu sortie de nulle part. Enfin, on est un petit peu passé du respect à vous. Allez, je t'attaque, Ouais, genre, après bien c'est vraiment une rivalité qui direct. démarre de rien puisqu'il n'y a aucune Voilà. confrontation. Ouais, c'est Donc ça. on sent qu'il essaie de faire mousser le truc un petit peu vite, mais voilà, ça me va très bien. Et puis on est tous au courant que c'est un match, C'est un match de gala, quoi. Enfin, ça va être dur de... La dramaturgie, elle est juste dans la rencontre entre les deux. Il n'y a pas besoin d'une histoire qui se déroule pendant des semaines. Puis, de toute façon, c'est les rencontres avec le taker. C'est pas. Alors, Tu vas est-ce pas qu'on va compter voir sur le l'Under... taker pour faire des promos, quoi. Donc. Est-ce qu'on va le voir, d'après toi, l'Undertaker avant WrestleMania? Je sais pas comment ils vont le faire parce qu'ils peuvent pas refaire le coup de, tu sais, de la réponse là qui s'illumine, yes, ou je sais plus, ils avaient fait ça avec. C'était avec Bray Wyatt, non? Non? C'était avec Bray Wyatt ou c'était avec Reigns? Je sais plus si c'était avec Reigns ou avec. Parce que, ah non, mais avec Bray Wyatt, il était pas le, ça j'en suis quasiment sûr, l'Undertaker était pas apparu de toute la feud, quoi. C'était Ouais. genre, il était là le jour à WrestleMania et Il c'est tout. était presque pas là au match. Oui, Non, il y avait pas, grand monde au match. mais donc ouais, ils ont déjà fait la réponse, tu sais, énigmatique qui s'affiche et puis il est pas vraiment là. Donc je sais pas comment ils vont le faire, mais je doute que Alors, peut-être une semaine avant Mania, il sera là. est-ce qu'on va, on va reprendre un peu sur certaines rumeurs et certaines propositions avec cette intronisation Hall of Fame de Kid Rock? Est-ce que tu crois que l'Undertaker revient en mode biker, ou est-ce qu'il va nous faire un petit gong et qu'il va être... C'est le, ouais, c'est le, C'est le après mystère. c'est le plus évident, mais en même temps, alors moi, qui est, genre, je suis un, finalement, je suis un peu un noob du catch, parce que dès qu'on commence à me parler du catch avant les années 2000, je suis, il s'appelait pas, il l'appelait pas, son nom, c'était quoi en mode biker? Ah, c'était l'Undertaker aussi, hein. C'était Undertaker aussi, Mais il c'était avait pas pas... un surnom ou un truc comme ça? Bah, c'était The American Badass. Ouais, Mais d'accord. bon, c'était pas The Dead Man, quoi, du coup. Ouais, du coup, j'ai du mal à savoir. En plus, dans la promo, il l'appelle bien le Deadman. À la fin, il lui dit, on va voir si t'es toujours vivant et tout. Enfin bref. Donc, s'il l'oriente comme ça, en l'appelant le Deadman, etc., il me semble que ça serait l'Undertaker. Mais de l'autre côté, ce serait logique quand même de faire l'intro, enfin qu'ils viennent en biker et que ce soit Kid Rock qui fasse son intro à Mania. Donc, Il y aurait une certaine logique avec le fait qu'on l'a vu enlever ses gants et tout, donc ça resterait. Il a enlevé le personnage du oui, ça Deadman. respecterait aussi qui est ça. Voilà, bon, écoute, on verra. Non, mais les deux, moi les deux m'iraient. Hein. Et puis, je trouve que peut-être le fait que justement ils reviennent en motard, ça donnerait plus. L'impression du coup qu'ils mettent à la retraite son deuxième Ouais, et son puis le côté vraiment match de gala, quoi. voilà aussi. Mais bon, après on verra, parce que c'est vrai que t'as, comme tu l'as dit, l'Undertaker, et quand il fait des promos qui sont pas deux trois phrases mystiques, c'est un peu Ouais. long. Mais 25e anniversaire, on a toujours pas compris ce qu'il avait dit. il y aurait, oui Je c'est vrai, sais plus, il a mais sorti trois phrases, on comprenait pas. il y aurait un angle, hein. Je sais pas comment ils vont le scénariser, mais il y aurait un angle à creuser. C'est le côté il peut trouver pas ça très valorisant, l'Undertaker, parce que John Cena, il a quand même essayé de tout gagner. Il a utilisé toutes ses cartes, en gros. Son dernier joker, c'est d'appeler l'Undertaker. Donc Donc, voilà. Ouais, ça fait un peu on fait les pas le poubelles. dernier. Ouais. Mais Bah, on en même verra. temps, non, c'était son premier choix. Oui, Cena, c'est vrai. enfin non, il l'a pas appelé, mais il a dit, genre, moi, je veux me battre contre l'Undertaker et tout ça. Enfin, non. Ah, c'est difficile à, ouais, non, c'est difficile à quantifier parce que c'est pas vraiment son premier choix dans le sens où il a quand même perdu comment? À Elimination Chamber, il a quand même. Donc, du coup, c'était pas sa Au première Rumble aussi route non déjà, plus. Et au Rumble, voilà. Chercher, ouais. bon, Donc, bon, écoute, bref. On moi verra bien, mais en tout cas, voilà, on est sauvés. Il y aura bien le Taker à Mania. Enfin, c'est pas tant que je voulais voir le Taker à Mania, mais c'est que. Si vous ramenez John Cena là, tel qu'il est dans la situation dans laquelle il est depuis les dernières semaines, il y a qu'un match contre l'Undertaker qui vaut le coup. Donc en tout cas, ils ont là pour le coup, ils ont bien joué la storyline sur le long Oui, puis terme, ouais. Cena il pourrait te vendre, je sais pas, Cena il pourrait te vendre une flaque d'eau. Hein. juste, le C'est Taker vrai. il peut pas être là pendant 3 semaines, Cena il revient, il fait une promo de 10 minutes, tout le monde est content. C'est vrai, ça a été d'ores et déjà à ce Raw un grand moment, et qui lance bien là. On est vraiment dans une promo de Road to WrestleMania, quoi. C'est du haut niveau. On s'en souviendra, je pense. On va passer à la suite. Alors très très rapidement, parce que ça a été tout petit, Elias est venu sur scène, complètement détruit par la symphonie de la destruction de la semaine dernière. Et du coup, il est triste, triste comme tout, et il dit au public que c'est de notre faute. Je m'inclus dedans, puisque nous étions tous témoins de cette scène. Et il s'en va, sans chanter, sans dire un mot. Et pendant ce temps, Braun Strowman apparaît en coulisses. Lui, il n'est pas content, parce que lui non plus, il n'a pas de match encore à WrestleMania. Donc il dit qu'il va lui-même se tracer sa route et se faire son opportunité. Good Bon, un petit mot là-dessus, ou on passe Non, mais je pense que Ilias était encore choqué de l'interview d'IRM. Oui, bien sûr, allez écouter ça, notre ami Et il y IRM. a des gens, je crois que je sais plus si j'ai lu ça dans le chat sous Skype, mais je crois qu'il y a des gens qui pensent que l'interview est un fake. C'est pas un fake! C'est une vraie interview. C'est IRM pas a nous. vraiment posé des questions à Ilias C'est pas par l'intermédiaire Giscard qui a pris de la Vox voix. Catch. Donc du coup voilà, il n'y a pas de fake news hein, sur Catch-Up. Non, jamais. Tout est vrai. Donc voilà, peut-être qu'il a participé au moral d'Ilias au dernier Raw, mais on souhaite le meilleur pour Ilias, pour Mania. On espérait que ça ira mieux. Au niveau des news qui ne sont pas des fakes et peut-être qu'on aurait préféré, il y aura cette année à WrestleMania une Fabulous Moolah Battle Royale féminine. Un commentaire Eh ben, figure-toi que, comme je disais que j'étais un noob, etc., moi je connaissais Fabulous Moolah que de nom. J'ai appris cette semaine. Merde, ton image est figée. Bon, tant pis. Tu m'entends toujours? Allô, allô? Wouh! Bon, l'image de Raph est figée. J'espère qu'on m'entend toujours. J'étais en train de dire donc du coup que j'ai appris cette semaine le passé de Fabulous Moolah et que c'est assez effrayant. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait autant d'horreur dans sa carrière de catcheur ou de catcheuse. Donc voilà, c'est belle imitation de film alors, nous dit François. Raph, je ne sais pas, es-tu encore là? Ah merde, Raph a déconnecté. Nous allons essayer de rappeler Raph tout de suite, en direct live. C'est le moment de rappeler. Vous voyez la deuxième webcam, c'est totalement interactif. Non mais Raphaël est connecté à un Wi-Fi dans une zone excentrée. Donc voilà, juste pour dire pour Fabulous Moolah, voilà, c'est un peu triste hein, toute cette histoire. Tandis que j'essaye d'avoir Raphaël, s'il te plaît, rassemble tes forces. Sinon, je vais reprendre le résumé. Qu'est-ce qui s'est passé après l'annonce de Fabulous Moolah? Est-ce qu'on a eu le début du tag team match? Dites-moi dans le chat. Il me semble que juste après, parce que j'ai pas les notes moi, hein. J'ai pas les notes de Sro. Tandis que nous Je réussissons t'entends. difficilement, très difficilement, à afficher la vidéo de Raphaël en direct de Nagano. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends Raphaël, nous ne te voyons pas, mais Oh là nous là. sommes avec Quelle quel, toi par la quel, pensée. quel, quel déprime. Quelle mauvaise. C'est cette François histoire qui nous dit le téléphone magique de IRM fonctionne mieux. de. Donc bon, Raph, tandis que ta vidéo commence à s'afficher, on va continuer quand même. Donc après le donc du coup Fabulous Moolah, une grosse connasse, une horreur. Une horreur femme. De quoi? De Fabius Oui. Je ne sais pas si tu Moulin? m'entends totalement, mais oui. Oui, je t'entends. Bon, ben, on passe là-dessus. Oui, voilà. Donc, On compte. sachez que en ce moment, juste le dernier truc, en ce moment, sur la vidéo, allez voir, enfin pas tout de suite, hein, à la fin du podcast, allez voir la vidéo officielle sur le site, enfin sur le YouTube WWE de l'annonce du Fabulous Moolah. Merde. Battle Royale. Battle Royale, oui. Tout à l'heure, ça en était à 2000 likes, non, 2200 likes, 2000 dislikes. Donc voilà, j'imagine que le ratio va être négatif sous peu. Surtout que les commentaires qui ont été le plus likés sont des commentaires du genre c'est une Mac, c'est une femme qui a ruiné le catch féminin dans les années 60-70. Et si vous voulez avoir plus d'informations aussi, je vais faire de la pub pour nos concurrents qu'on trash talk souvent. Mais Norbert Feuillant a fait une très bonne vidéo sur Fabulous Moolah. Et il s'est indigné de la reconnaissance de la WWE par rapport à la Fabulous Moolah. Il y a un bail, enfin il y a un bail, il y a au moins un an, un truc comme ça. Donc voilà, il y a Norbert Florian is not amused sur Fabulous Moolah. C'est très intéressant et c'est très court. Hein. En 4 minutes, il vous résume pourquoi c'est une femme exécrable qui ne mériterait aucun honneur. Donc voilà, c'est. Mais du coup, ça me fait poser la question, est-ce que l'André The Giant Battle Royale est confirmé, ça, ou pas? Est-ce que André je The pense. Giant, bah, ils en ont pas parlé, il me semble. Donc Ouais, donc je ça se sais trouve, pas, c'est. peut-être qu'ils vont l'abandonner. François qui dit, c'est pire que les likes de NXT tout seul. En effet, NXT tout seul n'est pas souvent liké. Je ne sais pas pourquoi. Manque de référencement. Peut-être que simplement manque de qualité de l'émission. Je n'en Non, sais non, rien. non. Je n'en sais rien. Dites-moi dans le chat, hein. On peut pas dire ça. Dites-moi, est-ce que je pourrais améliorer dans l'émission? Si je dois tout abandonner, hein. Pourtant, c'est la seule émission sur NXT en France. Ah Enfin, bah uniquement sur NXT en France, c'est à pour ma ça. connaissance. Ça Donc dérange. voilà, il n'y a pas de concurrence, mais pourtant. Bref, Bon, on va allez, passer à la suite. mes soucis techniques ont l'air d'être résolus, donc Ouais. on va reprendre là-dessus. Toujours sur les filles, deuxième segment féminin de la soirée. Donc, Asuka est sur le ring avec Charlie Caruso parce qu'il y a eu du neuf à Fastlane. Fastlane qui est pourtant le show qui était le pay-per-view de SmackDown. Mais Asuka est apparue et elle a choisi Charlotte pour son adversaire à WrestleMania, puisque Asuka, on le rappelle, a gagné le Royal Rumble féminin, le premier de l'histoire. Elle n'a pas le temps de placer un mot que Alexa Bliss et Mickie James débarquent. Et Alexa ne laisse personne en placer une. Hein. Mickie James a juste de quoi ricaner un peu derrière. Comme une jeune ado qu'elle est, évidemment. Donc Alexa, elle dit, oh bah, en gros, elle rappelle à tout le monde à quel point elle est formidable, exceptionnelle, tout ce qu'elle a réussi. Et donc Asuka, bah, elle est très intelligente, elle a une très bonne stratégie, puisqu'elle a choisi l'adversaire la plus facile, et que ne pas se lancer dans un affrontement perdu d'avance, c'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. Ce à quoi Asuka essaye de répondre, avec son niveau d'anglais qui ne s'améliore pas, hein, qu'elle a choisi Charlotte parce que... To beat the woman, you have to beat the woman. Donc, c'est la fameuse phrase de Ric Flair. Pour devenir la meilleure, bah, il faut battre la meilleure. Donc, elle a choisi Charlotte, qui est pour elle la meilleure championne. Bon, Alexa Bliss et Mickie James, ça les fait ricaner beaucoup. Hein, c'est très girly, très high school comme ambiance. Et elle dit ce soir, Asuka, tu ne perds rien pour attendre, tu vas affronter bah, quelqu'un qui est censé arriver, mais personne n'apparaît. Une fois, deux fois, ça donne rien. Bah, elle se laisse pas démonter, hein. Elles vont démonter elles-mêmes Asuka, donc elle l'attaque. Et c'est Mickie James qui va affronter Asuka. Mais malheureusement pour elle, la pauvre, elle va perdre. Après avoir fait une belle résistance, hein, c'était plutôt un joli match aussi. Bon, ça a été court. Mais bon, bah, Asuka, elle va pas perdre maintenant comme ça. Alexa ne laisse même pas finir le match, elle s'en va, elle court dans les vestiaires, elle va chercher qui donc? Elle va chercher Nia Jax. Parce que c'était Nia Jax qu'elle attendait. Et Nia Jax, elle est là, elle dit, bah non, j'ai un match ce soir, donc je ne peux pas venir. Alors Alexa, elle est très, très soucieuse pour sa copine. Hein. Elle lui dit que ben, elle a eu beaucoup de mal à Nia Jax. La semaine dernière, elle était très triste. Alexa, elle a toujours été là pour elle. Elle lui dit qu'elle sera toujours là pour elle. Elle dit qu'elle sait que Naya vaut mieux que ça, vaut mieux que d'être une lâche qui vient pas aider ses amis. Et elle lui dit je t'aime, elle lui dit I love you. Et Nia Jax, ben, dans son petit cœur, dans son grand corps tout costaud, elle lui dit oh, bah oui, moi aussi je t'aime, elle se fout un câlin. Et Naya, elle promet que la semaine prochaine, parce qu'Alexa a un match contre Asuka la semaine prochaine, eh bien elle viendra la soutenir, elle sera dans son coin. Donc, ben. Alexa, elle est contente, elle dit, ok, super, ben maintenant tu peux aller squatcher une jobbeuse que personne connaît. ce que va faire Nia Jax. Hein, elle va aller sur le ring, elle a un match. Elle squash une jobbeuse que personne ne connaît. Ouais. Mais alors qu'elle elle célèbre pas sa victoire, mais bon, elle reste sur le ring. Et ben tout d'un coup, sur les Titantrons, apparaît une drôle d'image. C'est Alexa Bliss et Mickie James qui sont en coulisses. Donc Mickie James, elle est en train de boire une petite bouteille d'eau, là. Alexa Bliss, elle est devant un miroir. Elles sont filmées, mais visiblement, elles ne le savent pas, puisqu'elles commencent à se raconter leur life. Et elles débitent les pires horreurs sur Nia Jax. Elles commencent à se moquer de son physique, à se moquer de sa bêtise, sa naïveté. Mmh. Alexa Bliss, elle en met une couche, et elle va même dire « I use Nia ». Donc, j'utilise Nia, je la manipule, je me fous de sa gueule, c'est pas ma copine, en vrai. Je fais tout pour qu'elle fasse ce que je veux qu'elle fasse, tout ça. Et puis bon, elle s'énerve en disant, on attendait un interview de Charlie Caruso, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en retard, et Charlie, elle arrive, hein, la belle Charlie, ringside, devait être content. Elle arrive, elle leur dit, mais les filles, il y avait un micro là, juste au-dessus de vous, et puis la caméra, vous voyez, quand ça clignote rouge, c'est que ça tourne. Donc, tout ce que vous venez de dire, ça a été dit, enregistré, retweeté, tout ça, déjà, retweeté. Vous êtes dans la merde. Alors les filles, elles disent, merde, donc elles se barrent en courant. Nia Jax, elle est furax, hein, puisqu'elle a tout vu, elle a tout entendu, une peine d'amitié très forte. Donc elle pète un plomb, elle essaye de les retrouver, mais elle ne les retrouvera pas. En tout cas, là, ça semble être la fin de la belle amitié entre Nia Jax et Alexa Bliss, et surtout la fin de la manipulation. Donc, énorme coup de théâtre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Anne? Qu'est-ce que tu crois que... Est-ce que toi-même tu confies des secrets sur ton amitié dans les toilettes, alors, devant des miroirs? Juste avant de te donner mon avis, juste si tu peux voir, là le micro qu'on entend, en fait c'est le micro de ton, je sais pas si c'est ton PC ou un truc comme ça, donc on t'entend assez bas, c'est juste au cas où. Mais sinon sur Nia Jax, j'ai du mal à... Oh putain, je suis dans le silence, ça fait tout bizarre. J'ai du mal à me dire que le tournant babyface de Nia Jax, là, il est un peu... Enfin, je le trouve un peu étrange. Je trouve pas ça totalement mauvais. Mais en même temps, là, par exemple, genre... arracher des valises en tissu, tu vois, c'est pas, je trouve pas ça, c'est pas, quand on voit, je vais pas dire qu'elle devrait faire comme Braun Strowman, mais quand même, quand on voit Braun Strowman défoncer des tables et des et tout le décor, etc., quand il est énervé, et Nia Jax qui arrache juste des valises et qui balance des vêtements par terre, je pense que ça aurait pu être un peu... Ça aurait pu être un peu plus, voilà, un peu plus violent. Et elle déchire le t-shirt d'Alexa. Voilà, Bliss. Elle déchire le t-shirt, incroyable. Mais donc voilà. Bon, on s'oriente du coup. Maintenant, on a la confirmation qu'on a comment Enfin, bah alors non, c'est du spoiler. Non, c'est pas du spoiler, enfin c'est la fin de Fastlane, quoi. Donc du coup, on a Asuka contre Charlotte et donc Nia Jax contre Alexa Bliss. Donc pourquoi pas, franchement, c'est pas, enfin pour le coup, ça va pas être aussi excitant que Charlotte Asuka, quoi. C'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est... On est tous un peu d'accord, je pense, sur Nia Jax, on l'aime bien, mais de là à lui, là c'est un gros enjeu quand même. Mm. Et puis si c'est elle qui chope le ticket donc pour le match féminin à WrestleMania, c'est un peu étrange, je trouve. Alors c'est vrai qu'ils ont tellement usé jusqu'à la corde toutes les après, autres. Y a, après, il n'y a personne d'autre parce que du coup, ça sera Bailey Sacha en 1 contre 1. Ce qui devrait être... Enfin, il n'y a pas besoin du titre pour cette rivalité-là, quoi. Mais donc, voilà. Guillaume qui nous dit qu'ils ont épuisé le budget truc à casser avec Strowman. mais donc... Ouais. Donc voilà, j'attends de voir comment, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus dans cette rivalité. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu moyen. J'ai du mal avec le. Autant je défendais un poil, même si Ringside avait détesté hein, le passage où Nia Jax chialait la semaine dernière. J'ai un peu du mal là. Je pense qu'ils auraient dû carrément passer à l'acte cette semaine et qu'elle attaque directement avec sa Bliss, quoi. Moi, c'est ce que j'attendais quand elle partait en coulisses. J'attendais pas à ce qu'elle reste dans la même pièce et qu'elle décide de tout casser. Qu'elle aille chercher directement Alexa Bliss. Mais elle court vite, Alexa Bliss. Ah bah oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai que quand on voit Nia Jax courir. Voilà, je veux pas être méchant, mais quand on la voit courir Nia Jax, on se dit que c'est sûr qu'une séquence où elle est en train de courir après quelqu'un, ça doit pas être forcément terrible. Mais donc voilà, j'attends de voir, c'était franchement moyen, très très moyen. Ce segment, j'ai eu du mal. Au début, j'ai même pas compris pourquoi la caméra était déjà là, je me suis dit ils vont même pas l'expliquer. Enfin c'est genre elle regarde le truc là, c'est un peu too much après l'explication. Oui, non, mais en fait il y avait une interview. Oh non, mais donc voilà, c'était très moyennement organisé toute cette séquence. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je pense que ça sera dans mes flops. J'ai trouvé ça scénaristiquement très très gros à avaler, et c'est le genre d'intrigue qu'ils font pas chez les mecs. Ça fait vraiment très c'est l'ambiance girly, quoi, le côté ouais, on papote, on se dit du mal. Ah ben non, figurez-vous que je l'ai utilisé, je me souviens que ça m'a rappelé un peu, c'était Eve Torres, je crois, je sais plus si tu suivais déjà le catch à cette époque, qui utilisait Zack Ryder aussi et qui l'avait dit comme une conne. Et t'es là, ouais, mais vous comprenez, mais Zack Ryder, je l'aime pas, hein, je l'utilise. Et puis, ah, oh, bah, il était là. Bon. Non, ouais. Mais oui, je regardais à l'époque toute la séquence avec Cena qui roule une pelle à Yves Torres, avec Zack Ryder qui est en chaise roulante à côté et tout. Ouais, magnifique. Bon, une belle époque. Mais j'aimais beaucoup Yves Torres, physiquement. Ouais. Ouais, écoute, elle sera peut-être là à la bataille royale, hein, qui sait. Non, mais non, je pense qu'elle l'a complètement abandonné. Sinon, on l'aurait peut-être vu au Rumble. Mais non, ils ont préféré prendre Kelly. Tu vois, quitte à prendre quelqu'un de l'époque Diva, prenez Yves Torres plutôt que Kelly. Hein. Physiquement, ça se défend. Je pense que. Non, mais même au niveau du catch, je pense qu'au niveau catch, Yves Torres est quand même un peu plus capable que Kelly. Ouais. Bon, enfin bref. Donc voilà, c'est un peu un des points faibles de la soirée, quoi. Clairement. Écoute, on va passer à un autre très court segment. Point faible, point fort. On va en discuter ensemble. La semaine prochaine, très très grosse soirée à Raw, puisque on aura un match entre Matt Hardy et Bray Wyatt, mais ça sera pas à Raw, ça sera dans la maison traditionnelle des Hardy, le Hardy Compounds, et lors de ce Raw, donc de ce lundi à Détroit, on a eu enfin les premières apparitions à la WWE de toute la petite famille Hardy, donc Matt bien sûr, ses enfants qui sont deux maintenant, sa femme Ruby Sky et le fameux Seigneur Benjamin et Vanguard One, qui pour ceux qui ne le savent pas est un drone. On a vu le lac de la réincarnation, bref, tout l'univers. Ça y est, tout l'univers de Broken Hardy à la King TNA a été là. Donc King Maxwell, le deuxième c'est King Wolfgang. Comment il s'appelle, le deuxième gars. Ouais. Bref. Donc du coup, voilà. On a la WWE met le paquet. Et en face, on aura Bray Wyatt qui lui aussi nous fait un petit clip. Alors lui, il est tout seul par contre, hein, il est toujours dans sur sa petite chaise longue, sur son petit rocking chair dans une pièce très sombre. Au niveau de ce qu'ils disent, rien d'intéressant par rapport à d'habitude, hein, ils vont juste se battre. Et le segment suivant est assez drôle quand même, c'est Kurt Angle en coulisses qui doit quand même gérer ce drôle d'affrontement. Donc il fait venir l'arbitre qu'il a désigné pour s'occuper de ce bordel. Le pauvre arbitre, il dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, chef ? Alors Kurt, il dit non, t'as rien fait de mal, c'est pas une punition, mais s'il te plaît, il faudrait que les deux reviennent en morceaux quand même, pour restaurer un semblant d'ordre. Donc, voilà. Et après, on a une promo de merde de Bray Wyatt que t'es pas obligé de. Oui, c'est ça, voilà. je la zappe. C'est Bray Wyatt qui dit le classique, t'es un menteur, j'ai raison, et puis si, il menace quand même la famille. Hein. Il dit, ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à ta famille. Oui, non, mais j'ai hâte. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein, vivement. Mais les images qu'ils ont montrées, ils vont refaire en version HD ce que faisait la TNA. Enfin, la TNA. La DNA. donc voilà, j'ai hâte de voir s'ils respectent le niveau de Nawak de ces séquences-là quand c'était à la TNA. Qu'on ait un peu de voilà, qu'on ait les classiques quoi, qu'on ait du feu d'artifice, qu'on ait des batailles dans la boue, et voilà, et des trucs symboliques à droite à gauche, et des moments où je sais pas moi, il fait nuit tout d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe s'il pousse Bray Wyatt dans le lac de la réincarnation et qu'il ressent en Husky Harris? Et oui, ça c'est le fantasy booking qui tourne beaucoup en ce moment hein, sur internet. Ah bon? Oui, je l'ai lu plusieurs fois. Tout le monde veut voir ça, mais en fait vous voulez voir ça, mais vous voulez pas voir le résultat non plus. Hein. Encore que vu dans quelle profondeur est Bray Wyatt de merdier, enfin de c'est juste en ce moment Bray Wyatt. Même moi qui étais un grand fan et genre plein d'espoir, limite utopiste pendant tellement longtemps avec Bray Wyatt en me disant oui mais si à un moment ils arrivent à bien le booker pendant 2 mois, non ça n'arrivera jamais, hein, c'est fini là, hein, il faut qu'il passe à autre chose, peut-être il faut que lui-même en coulisses demande à être packagé quoi, qu'il change de personnage, qu'il fasse un twist sur ce personnage là, qu'il trouve quelque chose de vraiment différent, que ça soit dans son attirail ou et tout, parce que maintenant c'est fini, le personnage de Bray Wyatt c'est le même depuis 2 ans ou 3 ans, il dit la même chose à tout le monde, les rivalités sont toutes les mêmes, et c'est de... Et puis il n'y a aucune évolution, enfin, c'est vrai que on était persuadé qu'il nous faisait chier parce qu'il gagnait jamais rien, mais il est devenu champion du monde, bon, un petit mois c'est sûr, mais ça n'a rien changé. Non, il y a un problème, alors je sais pas s'ils peuvent le repackager en fait je crois qu'on a eu beaucoup d'attentes parce qu'on le voyait comme le successeur. Ah non mais je veux pas dire d'ici mania, hein. Je veux ouais. pas de, non non je, bien sûr non mais plus tard mais c'est, là il est plus parti ouais, pour être le successeur de Kane que de l'Undertaker niveau bon écoute on ouais. verra la semaine prochaine ce qui se passe ouais. chez la famille Hardy. En tout cas, nous, on s'approche doucement du main event. Doucement. Et on y arrive. On y est enfin. Cette fameuse bataille royale des équipes. Donc, toutes les équipes de Raw, sauf Sheamus et Cesaro, qui eux sont aux commentaires. Hein. Et le principe d'une bataille royale des équipes, précisons quand même, c'est qu'il faut que les deux membres de l'équipe, évidemment, soient éliminés par-dessus la troisième corde. Mm-hmm. Donc, toutes les équipes arrivent. Et avant que ça commence, on entend Braun. Et Braun Strowman arrive. Et il monte sur le ring. Ring the bell! Et voilà, toutes les équipes sont là. On voit Slater qui dit non. Il y a, je sais plus si c'est Wilder ou Dawson qui tout le monde lui dit de partir. Mais lui, effectivement, comme tu viens de dire, hein, qui dit à l'arbitre de faire sonner la cloche. Et puis, on refuse pas de sonner la cloche quand Braun Strowman le demande. Donc, le match commence. Ouais. Alors, du coup, aux commentaires, et tout le monde s'interroge. Hein, Braun Strowman fait partie de cette bataille royale, mais qu'est-ce qui se passe s'il la gagne? Est-ce qu'il va la gagner hein? On ne sait pas trop. Déjà, il commence par éliminer Apollo, donc qui aura duré 2 secondes, hein, même pas le temps de prononcer son nom. Heath Slater est très vite éliminé aussi. Tout le monde ensuite se met sur Braun Strowman, parce que c'est souvent ce qu'ils font hein, pour éliminer les gens. Ils se mettent à tous, sauf qu'ils ne se mettent pas à tous. Il y a The Revival qui fait une petite fourberie, qui en profite pour éliminer Rhino. Ensuite, ils sont tous très très cons. C'est ça le problème. Au lieu de se mettre tous sur lui, ils font ce que font tous les méchants dans les films. Ils attaquent tous l'un après l'autre. Donc ça sert à rien. En un contre un, vous n'êtes pas assez fort. Ouais. Donc, Luke Gallows, il prend un coup. Titus O'Neil, il prend un coup. Dash Rider, il prend un coup. Et je sais plus qui prend à un moment Strowman, il prend c'est qui l'a dans le bras, enfin ou dans les bras, et qui gueule I'm going to WrestleMania. Ah bah attends, on n'y est pas encore, on y est presque. C'est Quelle raison? que Braun Strowman passe quand même quelques minutes à l'extérieur parce qu'ils réussissent à l'envoyer dans les escaliers. Du coup, il y a quelques minutes un retour à la normale avec les équipes entre elles. Mais Strowman revient vite, il sort Titus et Gallows, il défonce à lui tout seul le Mistourage et donc il ne reste plus que Karl Anderson. Ouais. Karl Anderson qui fait illusion une petite minute en mettant des bons gros kicks dans la gueule à Strowman. Mais comme tu l'as dit, Strowman l'attrape, il lui dit je vais à WrestleMania. Il fout Karl Anderson dehors, la cloche sonne, la musique retentit, Braun Strowman a gagné une bataille royale pour désigner le challenger au titre tag team de Raw. Donc, Sheamus et Cesaro, ils sont pas trop pour, hein, ils arrêtent pas de gueuler, mais c'est pas une équipe, c'est un individu. Et c'est là Toujours que. est-il Ouais. qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire ce soir. Et c'est là Vas-y. que je peux enfin donner mon prono dans le chat. Ça donnait des pronos et tout ça. Je disais que j'en avais un. Sur le partenaire de. Comment? De De Strowman. Stroman. Je l'ai aussi entendu ici et là. Hein, mais c'est pas une rumeur. Hein, c'est juste une suggestion. Elias. Oui, ben, Donc, ça paraît très logique, hein, ça fait ouais, un peu voilà. penser à, c'est les mecs qui s'aimaient pas, qui deviennent ensemble. Mais ce qui serait, ça ferait un duo de ouf, hein, je pense, parce que y a deux gars qui ont un type d'humour assez différent. Il y en a un qui est un peu plus dans la finesse, il y en a un qui est un peu plus dans l'humour de gros bourrin. Et puis. Ouais, non, ça ferait une. Franchement, je croise les doigts pour que ça soit ça. Je croise vraiment les doigts parce que Strowman Elias contre Ouais, Cesaro et ça serait drôle. Sheamus à Mania, ce serait, à mon avis, très, très drôle. Donc ça, c'est l'option dont tout le monde, beaucoup de gens parlent, hein, que Strowman nous serve un partenaire mystère. Effectivement, Elias, il paraît tout trouvé. Alors, l'autre option, certains disent que ça va être Strowman tout seul contre The Bar. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je suis moins fan. Ouais, moi aussi, hein. Là, je suis D'accord. moins fan parce que c'est pas intéressant comme match. Enfin, c'est juste, Effectivement. on a envie. À Si c'est Mania, on pour n'a pas enterrer The envie de Bar en voir plus. un. C'est pas un comedy match, mais c'est presque ça, quoi. C'est-à-dire que ça va être. Non, mais c'est chiant de voir deux mecs contre un mec. Bah, surtout si c'est un enjeu de ceinture et que Ouais. Sheamus gagne. Chacun son tour, il tape, et puis. En plus, ça va être un match qui est. Si c'est Strowman contre The Bar, ça va être un match qui va durer pas très longtemps, quoi. Ça va durer genre 10 minutes. Grand max 15 minutes, parce que. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, quoi? Ils vont pas passer leur Ouais, non. temps à. Ils vont pas taguer 40 fois, quoi, au bout d'un moment. Strowman, il peut pas durer 300 ans comme ça dans le ring à rien faire. Donc oui, j'espère vraiment qu'il y a ce truc-là où Kurt Angle la semaine prochaine dit non non mais Strowman non mais c'est pas possible hein, tu as pas tu c'est un championnat tag team, d'accord t'as gagné mais t'as besoin d'un partenaire et justement j'ai quelqu'un qui a pas de route pour WrestleMania et qui serait je pense parfait pour toi en mode troll tu vois. Et voilà, après il dit Elias, et Elias qui, enfin, je veux dire, ça serait parfait, Elias, à mon avis, il sortirait une phrase genre, alors, ça va bien, enfin, je sais pas, il sortirait, enfin, pas un truc aussi nul que ça, mais il sortirait sûrement une remarque à la con qui va faire pisser de rire tout le monde. Et après, ça va être genre, Strowman qui l'empêche, qui l'empêche, enfin à chaque fois il va venir voir Strowman jusqu'à WrestleMania il va venir le voir et faire ouais j'ai une stratégie ou j'ai un truc etc. Enfin non mais Ça peut ça a être. un énorme potentiel quoi donc s'ils le font pas ce serait vraiment con puis Puis en ça va plus. pas on n'a pas besoin que Strowman soit plus buildé que ça maintenant on sait que c'est un monstre il n'y a pas besoin qu'il batte les champions tag team et puis en plus Et puis au contraire, ouais, l'envoyer sur la scène tag team ne serait-ce que quelques semaines, ouais. ça serait pas mal comme occupation pour lui. Moi, c'est j'ai En plus, il pas. serait dans la merde après. Comment ils sortent de l'histoire où c'est Strowman qui a les deux ceintures et tout ça? Bon, Ouais. ça serait marrant une semaine et après tu ferais bon. C'est. Ouais, je suis moyen, ouais, je suis très Ouais, c'est moyen cool. fan de cette idée, donc j'espère qu'ils ont une porte de sortie comme ça, quoi. On va espérer qu'ils trouvent Elias, mais moi je préfère, en fait, limite, j'ai pas envie que ça soit Kurt Angle, j'ai envie que ça soit genre Strowman qui arrive dans les vestiaires et qui chope Elias comme il avait fait la fois où il avait bouffé du gâteau là, et qu'Elias il soit tout tremblant et qu'il fait I need a partner, ou un truc comme ça. Oui, d'accord, ok. Bon, on Ouais, verra bien. en mode soumis. Ouais. Mais Bon, écoute, ouais. on a fini sur ce Raw. Ouais, on a terminé, On a putain. fini, alors bah, écoute, c'est l'heure du mot de la fin. Ouais. Je vais te laisser en profiter puisque c'est toi ce coup-ci le host, l'invité. Alors bah, dis-moi ta note, dis-moi ton top et dis-moi ton flop. Un top, un flop et une note. Voilà. Mon top. J'avais dit quoi pour mon top déjà? Est-ce qu'il y avait un autre truc que... Non, mais moi, non, mon top... Mon top, ouais, non. C'était quoi le premier segment de la L'euro, soirée? bah, Ouais. c'est Roman Reigns C'est juste qui vient être ouais, suspendu. c'est juste le Roman Reigns et Kurt Angle. Ah oui, il y a eu Kurt Angle aussi qui a fait un moment en regardant la caméra. Et je vais massacrer Triple H. J'avais bien aimé ce passage. Mais sinon, à Mania. Enfin Ouais. bref, tout ça pour dire mon top, non mais c'est Cena quoi. C'est toute la promo de Cena qui était voilà, qui était dans tous les sens, qui était en kayfabe, plus du tout en kayfabe. Ensuite babyface. Finalement je suis heel. Et au final, il fait tout et en plus ça marche à peu près. Enfin Ouais, tout bah tout ça. tout fonctionne. Donc voilà, c'était une démonstration. J'aurais dit, ah oui, c'est ça en fait. C'est que au début, je voulais mettre en top pas l'entièreté, enfin pas tout le segment de Cena, mais juste le moment où il a fait Let's go Roman. Quel troll! Quel Ouais. sale troll! Ton flop. Mon flop, c'est Nia Jax. C'est l'histoire avec Nia Jax. Là, j'ai vraiment du mal à. Là, cette semaine, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans. Je trouve que ça a duré trop trop longtemps en plus. Comment? La Ben oui, parce qu'il y a eu. discussion entre Alexa Bliss et. Ah ouais, Et interminable. mais ça a duré, mais genre, j'ai eu l'impression que ça a duré 2 minutes. Je comprends même pas, tu vois, pourquoi, quand il y a eu cette discussion-là, pourquoi Nia Jax est restée plantée là, tu vois, au bout de genre 1 minute de discussion, t'entends ce qu'elle sorte, Ouais. mais direct, normalement direct, elle va dans les coulisses et elle va la défoncer. Ouais. Pourquoi elle est comme ça plantée? Et justement, ça participe au fait que pour l'instant. Ok, elle déchire des valises, mais pour l'instant, elle n'est pas menaçante. Hein. Elle n'est pas vraiment. On dirait qu'elle est surtout fragilisée. Et on sait que. Comment, avec Bayley, ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris le personnage. Ils se sont dit, ouais, mais Bayley, en fait, c'est une babyface fragile. Et c'est comme ça qu'ils l'ont bookée comme des merdes. Donc là, Nia Jax, pour l'instant, ça marche pas. J'espère qu'ils prennent un tournant la semaine prochaine. Qu'on la voit moins, voilà, déjà qu'elle ait moins le micro, je trouve, que voilà, qu'elle soit plus dans l'action qu'au micro, parce qu'on sait que, je sais pas qu'elle est mauvaise mauvaise au micro, mais il y a des moments où elle peut être mauvaise, et sinon elle est juste potable moyenne. Je trouve qu'en fait Nia Jax, je trouve qu'elle a une voix qui va pas très bien avec son personnage. Elle a une voix très, féminine en fait. Donc du coup ça va pas trop bien. Genre quand elle fait, tu vois, quand elle s'énerve elle fait, non, ça va Ouais. pas trop, ça va pas trop avec. Donc voilà, Et ta note? la déception. Mais ce Raw était fort bon. Il y avait un très bon match de Balor et Rollins. Le segment génial de Cena. Le segment de Reigns que j'ai bien aimé malgré les reproches que j'ai à faire. Et cette nouvelle de Strowman qui peut-être va nous amener à un truc génial. Donc je mets un 3,5. Eh bien, 3,5 à ce ouais. Monday Night Raw. C'est la note que j'aurais mis. Moi, au niveau du top, je suis à peu près d'accord avec toi. Pour en mettre un différent, je vais dire que j'ai marqué quand j'ai vu arriver toute la famille Hardy avec Seigneur Benjamin et tout ça. Donc, je vais dire que ça m'a bien plu. Je vais le mettre en top. Le flop, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais, du coup, pour faire un peu différent, je vais mettre sur Mickey James, qui, du coup, je trouve, si on suit son personnage, il est complètement nul, quoi. Elle était avec Alexa Bliss, puis elle y est plus, puis là, elle joue, mais la groupie, enfin. Ouais. Elle était sur le ring là avec Alexa Bliss, elle était et puis dans Elle les fait ce qu'on lui coulisses. demande, hein, Ouais, non, mais je sais bien, c'est son personnage, mais. c'est un peu le rôle de. Finalement, elle est. Ouais, je vais pas dire. C'est pas aussi absurde que ça, mais elle est un peu dans le rôle du Big Show, quoi. C'est-à-dire que. Bon, bah. Lundi prochain, t'es heel, hein. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, Et mais. flip sans même demander, oui, mais mon personnage, pourquoi il devient. Ouais, non, c'est bon. Ouais, puis comme tu l'as dit, le segment devant les miroirs, là, le truc, c'était d'une longueur, et puis elle en rajoutait, enfin, c'était dès que Alexa Bliss disait, ouais, tout ça, je l'utilise, en plus, quand t'as dit machin, qu'elle était grosse quand elle était petite, ouais, ah oui, c'est, ah, et puis après, Oui, non, oui, mais on bon, sait. c'est la récap de. Ouais, la récap de Ouais, Raw c'était un de la peu semaine chiant. dernière. Mais sur l'ensemble du Raw, bah, je mets la même note que toi, 3,5. Pas eu beaucoup de matchs, mais on est avant WrestleMania, donc du coup on est plutôt à en avancer les pions, et puis bon, on va éviter que les gens se blessent, donc c'est Oui. logique. Mais c'était sympa, et j'espère, comme tu dis, vraiment que le segment avec Strowman va nous amener une belle histoire et pas un truc Strowman enterre toute une division, ça serait un peu dommage. Bien. Eh ben Et bien écoute. voilà pour ce Raw, merci à Hank qui s'occupe quand même, nous l'oublions pas, de la technique, hein, c'est Ouais. lui qui s'occupe Et du de mettre tous en ligne. social media lounge. Du social networking. Eh bien, vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur YouTube, hein. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, c'est ça, je crois que j'ai Tu veux tout que je donne cité. les adresses? Ouais, vas-y. YouTube.com/ketchupcdc, Twitter.com/ketchupcdc, Facebook.com/ketchupcdc. Voilà, et bah, je fais la promo. Ouais, vas-y, n'hésitez Alors, pas. toutes les semaines, vous avez Ketchup Raw, Ketchup SmackDown, enfin le supplément SmackDown. Vous Next to avez. sell. Non, attends, avant ça. Pardon. Enfin, ça dépend des semaines. Avant ça, normalement, il y a 205 Live en 205 secondes, présenté par Ringside, l'émission préférée de certains de nos viewers, hein, ils nous le disent dans le chat. NXT Tout Seul, l'émission qui n'a pas assez de likes, donc venez la voir. Venez liker. C'est moi tous les dimanches en live à 14h, hein, c'est le même horaire tous les dimanches, à part exception, mais voilà. Et puis voilà, on a les reviews des pay-per-view, etc. Si vous n'avez pas vu notre review de Fast Lane qui est sorti il y a quelques jours, elle est là. C'est Giscal et IRM qui vous font une analyse précise du show. Et puis c'est à peu près tout. On va vous dévoiler dans quelques jours Oui. un planning pour WrestleMania qui est costaud, parce que je vous rappelle, hein, pour les gens qui viennent de nous suivre, qui viennent de découvrir la Bienvenue. chaîne, que moi-même, Hank, moi-même, Giscal et IRM, on va à WrestleMania et on va couvrir WrestleMania Les en chanceux. direct. On sera à TakeOver, on sera à Mania, on sera à Raw, on sera à SmackDown, à la Nouvelle-Orléans. Donc, Et on sera sans le sou à la fin de cette histoire. Voilà, on sera ruiné et je vais voir aussi des shows indés, donc il y aura aussi du contenu sur Shimmer, sur mince, Progress Voilà. et autres. Donc voilà, Extraordinaire, Hank. Vous voyez un homme qui est prêt on va travailler toute la semaine. à voilà, un homme qui a posé tous ses congés de l'année pour catch up. Donc formidable. Presque, ouais. Je pense qu'il mérite plein de pouces bleus sur son émission jaune. Bien, sur ce, on va en finir pour cet épisode et n'hésitez Voilà. pas donc à regarder tout ce qui va se passer cette semaine, à commencer par SmackDown. Donc je te remercie Hank d'avoir été là et d'avoir géré toute la technique. Ouais. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des likes et puis bah, passez une bonne semaine et Et à la semaine abonnez-vous. prochaine. Et abonnez-vous et bonne semaine pleine de catch. Gros bisous. Ciao.